Exercice 1. Je partirai. 1. Tu réfléchiras. 2. Ils voudront. 3. Nous réagirions. 4. Vous pouviez. 5. Il faudrait. 6. On aura. 7. Il ferait.